Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à vous toutes. Deux invités surprises aujourd'hui, deux jeunes femmes rencontrées dans la rue lors de la manifestation récente sur la Journée internationale du droit des femmes. On est plutôt chez Oxfam très porté sur ces mouvements, aider les mouvements féministes à travers le monde. Oxfam, je vous le rappelle, bien sûr, c'est d'abord la lutte contre les inégalités, mais bien sûr, en deuxième, ou à égalité, on pourrait mettre aussi, faire avancer la question du droit des femmes à travers le monde. Et en France particulièrement, c'est au pays, soi-disant développé, a aussi envoyé des gros messages à travers le monde. Peut-être un mot de présentation, Isabelle, Cécile? Alors, moi c'est Isabelle, je travaille à l'Université de Lorraine comme électrotechnicienne dans un labo de recherche, et je suis aussi représentante du personnel, UNSA Éduc. Il se trouve que je travaille aussi sur le plan égalité femmes-hommes au sein de l'Université de Lorraine. Bonjour, je m'appelle Cécile Piot, je suis boulangère, c'est mon deuxième métier. J'anime des ateliers de transmission de savoir-faire afin de faire partager justement ces gestes et faire connaître aussi les cultures boulangères qui sont très variées et que l'on retrouve partout, quels que soient les continents. Comment voyez-vous les avancées du mouvement à travers la France actuellement sur les derniers trimestres ou semestres? Alors, ce serait facile pour moi d'en parler depuis que j'ai commencé à travailler, ouais. Parce que j'ai fait un métier d'IDOM, électrotechnicienne. Donc, en 30 ans, je trouve qu'il y a eu énormément d'avancées. Mais au sein de l'Université de Lorraine, chez les étudiants et étudiantes, je suis toujours extrêmement choquée de voir qu'ils ont les mêmes problématiques que moi j'ai pu avoir quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire que, en fait, les agressions sexuelles existent toujours, le harcèlement existe toujours entre étudiants et étudiantes. On dirait que ça n'avance pas. Oui, et Cécile, une vision de... Alors, au niveau professionnel aussi, également, j'ai choisi un métier plutôt masculin. Cela dit, il y a des changements au niveau tout simplement technique, qui fait que c'est à la portée de tous et toutes. L'état d'esprit, par contre, dans les fournils, il reste pas toujours vraiment ouvert à la gente féminine. Il y a quelques fournils seulement qui sont, on va dire, woman friendly, comme on dit, kids friendly. Il y a encore du boulot, il y a vraiment encore du boulot, plutôt au niveau, j'allais dire, de l'esprit. Parce que, comme je disais, au niveau technique, il y a quand même eu beaucoup d'avancées pour réduire la pénibilité. Sur la question du genre homme-femme, en préparant cette émission, j'ai questionné une amie qui me répliquait effectivement opposer homme et femme n'est pas la solution. Opposer les blocs, opposer les sexes, ça va pas du tout. Et pas plus tard que hier à une radio nationale fort connue, il y avait l'auteur d'un ouvrage qui attestait qu'effectivement les avancées sociales sont actuellement du fait des femmes, des minorités ethniques, et tous ces genres d'individus feront mieux avancer les choses que les groupes humains constitués traditionnels, plus proches du patriarcat, plus proches d'une économie de marché, etc., etc. Je pense que vous rejoignez ce genre de propos. Ben, moi, mon choix musical vous le fera comprendre. je suis, moi, enfin, en tant qu'être humain, je ne suis pas certaine qu'en ce moment, on est en train de vivre des avancées. Ce n'est pas parce que nous entendons que nous avons eu MeToo, que je n'ai plus de blagues de cul dans ma salle de café, que pour autant, les femmes sont plus libres. 38% des familles monoparentales sont des femmes seules pauvres. Moi, j'ai été une famille monoparentale, j'ai élevé mes enfants seuls. Je n'ai pas été pauvre parce que j'étais dans la fonction publique. Mais franchement, c'est extrêmement difficile. Le monde tel qu'il est fait n'est pas fait pour les femmes qui élèvent des enfants. Que le droit des retraites, ils ont fait dans la fonction publique que maintenant les femmes, elles ont droit à 2 trimestres pour un enfant. Alors qu'on en avait droit à 4, ce qui était déjà 2 fois moins que dans le privé. Donc je ne suis pas certaine qu'en fait le droit des femmes, actuellement, on ait une avancée. Une avancée. Et pas, par rapport à ce sujet, je n'ai pas vraiment de notion de ce que tu évoquais, Isabelle. En revanche, quand tu dis que souvent, c'est les femmes qui font avancer les choses, je pense que les femmes font avancer les choses en secret ou peut-être en catimini, elles le font sans grandes annonces, parce qu'elles sont pragmatiques et elles font les choses de toute façon. Et finalement, on voit leurs avancées qui sont faites en silence, en fait. C'est ça que j'imagine par rapport au pouvoir des femmes, finalement. Parce qu'elles sont au cœur de leur métier, au cœur de leurs activités, et autour d'elles, elles peuvent faire bouger les comportements. Ah oui, ça, je suis sûre qu'elles peuvent faire bouger les comportements et aussi elles peuvent s'associer pour aider d'autres. Par exemple, je pense au fonctionnement des cigales, ces microcrédits qui sont calqué sur justement sur une entraide sans faire des dossiers immenses, c'est mais c'est juste, en fait, là, il y a quelque chose qui vaut la peine. Et plein de familles, notamment des femmes, vont dire, OK, moi, je mets un peu d'argent, moi, et on se cotise, et finalement, on fait en sorte qu'il y a un petit pactole qui va aider la personne qui a eu quelque chose à entreprendre. Ouais. Et voilà, on va directement à l'essentiel, en fait. Ouais, c'est par la sphère privée. Enfin, la femme est vraiment dans la sphère de la famille, quelqu'un qui peut être très influent sur son mari, ses propres enfants, enfin, ou son voisinage, tout ce qui peut avancer de sous cet ordre-là. C'est le problème si ça reste dans la sphère privée. Il faudrait que ça aille un peu plus loin, que ça dépasse. Oui, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Cette différence entre homme-femme, ça appelle aussi à la notion de sororité. Et dans mes recherches, j'ai découvert un terme ce matin en préparant l'émission, ce mot qui s'appelle adelphité, c'est ça? Est-ce que vous connaissez ce... Alors, je pensais que c'était par rapport aux frères et sœurs, c'est le fait d'être... Oui, voilà, justement, c'est un peu le côté sororité, mais sur l'ensemble de la fratrie. Sans faire de différence entre garçons et filles. Mm. Tout ça parce que, toujours pareil, en parlant à mon niveau d'hétérosexuel, ça me parle de plus en plus que ce monde se tourne vers le féminin, que les avancées soient de ce côté-là, plutôt que du côté du grand capital et du marché et de l'économie et de tout ça. Maintenant, par où commencer? Chez Oxfam France, on a quelques pistes, passer des messages, marteler des messages. C'est ce qu'on fait ici à notre niveau. Mais est-ce que vous avez, vous, des idées là-dessus? Même en rêvant un peu. Alors moi, je dirais que les anarchistes libertaires, parce que j'ai lu un livre d'eux il n'y a pas longtemps, ont trouvé le meilleur utopie. Une véritable équité entre l'homme et la femme. Enfin, ils ont essayé. Ils avaient inventé les premières universités populaires. Enfin, l'éducation pour tous. Ils avaient... c'est sûr, au 19e siècle, le partage des tâches était peut-être plus compliqué, mais ils avaient essayé de faire quelque chose de très équitable entre les uns et les autres, sans notion d'argent. Moi, c'est justement aussi le côté financier, enfin, capitaliste qui me gêne aussi. Et par rapport aux idées un peu utopiques... équité homme-femme et développement d'un certain échange qui soit plutôt basé sur un échange de valeurs ou de troc plutôt qu'un échange fiduciaire. Ça, c'est vraiment très utopique. Je sais bien qu'il y a un moment besoin aussi de valeurs numéraires. Cela dit, j'ose espérer qu'il y ait des sortes d'îlots, d'un peu d'oasis où on puisse dire... qu'on échange du temps de menuiserie contre du temps d'un autre métier ou un repas pour 20 personnes contre tel travail. C'est peut-être utopique, mais j'aimerais qu'il y ait cet esprit qui règne un peu plus. Que ces laboratoires se développent, ces expériences-là. Dans les nouvelles générations, il y a de plus en plus de groupes de jeunes qui font ça. Oui, j'ai bien repéré ça aussi, c'est vrai. Ben, je crois que c'est peut-être temps de passer un premier choix musical, si vous avez une idée. Moi, j'aimerais qu'on passe la chanson de Gaël Faure, qui est un artiste vraiment engagé au niveau écologiste, mais aussi qui a sa part de féminité et de tendresse très forte. Donc là, sa chanson s'appelle « Le Colibri ». Autant vous dire que ça a été très difficile de choisir parmi ses chansons. Donc celle-là, elle est issue d'un album qui s'appelle Regain, en référence à l'œuvre de Jean Giono. T'as pas voulu vendre la terre, t'as pas voulu souiller son eau. Toi, pas question de faire affaire avec les requins, les marteaux. T'as pas voulu courir le monde, toi tu le tiens entre tes mains. T'as pas eu l'humeur vagabonde au diable rêve américain. Vois comme le colibri il est beau. Tu le vois, cet oiseau comme il brille. T'as pas voulu faire et défaire, parler de trop, marcher sur l'eau, tout juste pris le nécessaire. Vois comme le colibri, il est beau. genre humain droit dans tes bottes. Je t'ai vu avocat ou prêtre. Servir la terre pour nous les autres, voir comme le colibri les pauvres. Tu vois cet oiseau. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Oui, bien avec deux invités aujourd'hui pour parler du mouvement du droit des femmes et de cette manifestation du 8 mars dernier. Mais aussi, on parlera aussi, juste un peu après de ce 22 mars, juste après aussi, où il s'agissait de lutte contre toutes les discriminations. Tous les racismes. Par rapport à notre première partie, Isabelle, on pouvait rebondir sur... Sur la représentation des syndicats pendant le jour de la manifestation. Par exemple, c'est ce alors, qu'on a échangé tout à l'heure. Oui. Une des associations féminines a décidé que le début du cortège devait être en non-mixité. Personnellement, j'ai trouvé ça très dommageable parce que du coup, les syndicats ne sont pas venus, très peu. Mmh. Ils se sont désolidarisés. Et alors qu'on sait que des syndicats comme la CGT, FSU, bon, l'UNSA aussi, mais surtout la CGT et FSU, ont toujours été présents pour, et ont toujours appelé à la grève pour le 8 mars. Donc j'ai trouvé ça... Dommage de séparer en fait pour l'avant du cortège et. Ouais. Et tu penses que c'était propre à Nancy ou c'est national ou vous avez un mot d'ordre? J'ai pas fait attention à ça. Je me suis focalisée sur Nancy. Après, il y a une volonté d'une part des féministes à vouloir faire les choses toujours en non mixité. Oui, donc ça se discute effectivement et ça se discute très rapidement, secondes avant. Tu en as parlé, moi je pense pas qu'il faille être les uns contre les autres, donc on peut pas avancer. Il y a des comportements masculins qui sont inacceptables, pour autant on va pas rejeter toute la genre masculine parce qu'on a de patriarcat d'il y a 2000 ans. Quoi. C'est ça. On vous aime bien, hein. C'est un classique. Oui, Cécile, tu avais... Vous voulez rebondir sur l'aspect syndicalisme avec des gros guillemets ou des postures militantes dans ton milieu? Dans mon milieu, comme je disais, c'est quand même assez dirigé par des personnes hommes. Hein. C'est très rare qu'il y ait des confédérations ou des syndicats qui soient dirigés par des femmes. Ça n'empêche pas qu'il y en ait des femmes qui soient dans ces groupes-là. Elles sont quand même en minorité. Même si les personnes qui sont là ont pas mal de caractère et savent se faire entendre, elles n'ont pourtant pas la première place. Elles ne sont pas... D'accord, restent discrètes. Restent discrètes. Oui, donc parlons plutôt d'expériences ou de laboratoires intéressants où justement la parité homme-femme, on s'y retrouve, hommes et femmes, ensemble et séparément. Oui, alors je peux vous parler d'un projet qui est actuellement soumis au budget participatif de la ville de Nancy pour créer un espace, un fournil ouvert au haut du Lièvre. C'est un projet qui est soumis par l'association des réseaux des jardins participatifs et l'idée est de créer un lieu dans lequel toutes les personnes pourraient venir faire cuire le pain qu'elle fabrique à la maison, par exemple, comme le principe du four banal. Donc, tel jour par mois ou tel jour par semaine, le four est ouvert et il y a une fournée collective. Donc ça, c'est chacun apporte son savoir-faire et apporte sa culture. Okay. Et d'autres moments plus encadrés avec des ateliers sur justement l'apprentissage d'un pain d'un pays. D'une région particulière. Représentant le Maroc, représentant le Portugal, représentant l'Inde. Puisqu'en fait, on peut voir que partout, il y a un pain associé à une culture et qui est souvent aussi en lien tout simplement avec l'agriculture, avec la céréale qui est possiblement cultivée ou les mieux cultivées sous ces latitudes-là. Un beau projet. Donc c'est vraiment en toute latitude, en faisant tomber toutes les barrières justement de racisme, où là on se retrouve autour d'un pain qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas de religion, qui est là, qui est l'essence même du partage. Et j'espère que ce projet va aboutir et je m'implique pour que ça avance. Magnifique, tous les encouragements. Isabelle, de ce point de vue, tu connais des tiers-lieux plus précisément, il y en existe de plus en plus en Lorraine? Pas obligatoirement en Lorraine, mais j'ai des amis qui ont créé des tiers-lieux ailleurs, des amis beaucoup plus jeunes que moi, qui ont une trentaine d'années et qui ont décidé de quitter le monde du travail salarié et de vivre en autonomie ensemble. Ouais. Ça se fait de plus en plus. Ouais. Montrer l'exemple toujours, hein, je crois que c'est il y a que ça qui marche bien pour essayer de faire bouger les choses et les gens autour de nous. Merci de votre venue et un dernier choix musical, Isabelle. Alors, j'ai choisi les Berruriers Noirs en écoutant les infos ce matin. Et je me suis rappelé du petit badge qu'on portait « Touche pas à mon pote ». Et je trouvais que c'était très d'actualité, donc ce sera Porcherie. Merci. Messieurs, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germée nausée. Le tiers monde crève, les porcs s'enfuient, la tension monte, les chiens grivent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chine, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, pétanque devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte, à coup de schlag, le sang inonde.